وعاش بدين أمل وعاش وسلي ما عينيك ملاح فقولي بزاد وجرح هك على طاجين فاس هك على خبز وطان هك على حلوة مشبكة في قصير جديد واوا واوا واوا Suprême sur Skyrock. Sur Skyrock. One, two, three.

I'm in love with the... Ah vas-y, tais-toi, viens faire la manche. Skyrock. Du soleil et du son frais. Tout l'été sur Skyrock. Bonne vacances. Grand suprême exceptionnel sur Skyrock. Dans ma cité, où elle était, je vais pas la quitter. Où ça se passe dans nos quartiers. Toujours unis, on reste soudés. De Panama à Marseille, on est validés. Porte B, ladies and gentlemen. Bonsoir, minuit, c'est Rail Suprême en direct sur Skyrock. Are you ready? Let's go! Are you ready? Case te mixe tous les sons de Rai Suprême en direct sur Skyrock. DJ K's. Algérien, j'ai le drapeau facile. J'attends pas que le bonheur me fascine. Mon parcours les fascine. J'oublie pas mes racines. Algérien, j'ai le drapeau facile. Et j'ai jamais raté ma cible. Bitch, triangle d'assassine. Faut que je le fasse pour mes locaux. Faut que je le fasse pour mes locaux. Faut que je le fasse pour mes locaux. DJ Case t'ambiance avec tous les sons du moment sur Skyrock. J'suis entre 4 pétales foreign. Support encore du Ralph Lauren. Algérien, j'ai le drapeau facile. C'est une femme flic, j'mets pas de vaseline. Défoncer ma porte au bélier depuis le yé de la voisine. Je les laisse lancer des rumeurs. Je laisse du ruinard dans l'urinoir. De la fourrure de renard. Je pose des questions à mon miroir. DJ Case. Un freestyle pour tous mes locos, toutes mes locas. C'est cadeau pour vous. C'est le retour du Bico Loco. Yeah, yeah.

sur Skyrock.

kerti. خاطر تسمع Suprême.